trois jours avant de marier. Faut commander quitter aïe. Sans ouais pas parler, y'a fort déballé. Dans deux trois jours avant de marier, faut commander quitter. Y'a faux fil à l'âme, et bonne ou gain là. L'on rentre dans la caille, y'a faux dépenser. Y'a faux fil à l'âme, et bonne ou gain là. Sans être pas malé, y'a faux déballer. Dans deux trois jours, on va pas marier. Faut commander quitter, aïe. Sans être pas malé, y'a faux déballer. Dans deux trois jours, on va pas marier. Faut commander quitter. Em konon gen lang, lang mwen konon gen lang. Em konon gen lang, lang mwen konon gen lang. Em konon gen lang, lang mwen konon gen lang. Em konon gen lang, lang mwen konon gen lang. Coupé. Bloc connaissance qu'a développé. Travail sous longue wave. 2500 000 d'oxygène d'altitude. Depuis qu'a aucun tout vent vanté, n'a petit pour vous. Ah oui, non, ouais, vous faites votre bagaille. Bah. Calé, non. Ouais, langue. Langue, ouais, son paquet à faire. Si bagaille pointe, ils sont regardés, ils sont pas quêtes à venir. L'organe est loin de vous, mais ils sont pas quêtes à venir. Il y a un homme qui est un garçon qui n'a pas de langue. On va représenter rien pour le monde entier. Parce que l'anglais sont pas quêtes à venir. D'après moi-même, l'organe est langue. Il faut qu'on façon pour mener. L'organe est pour mener l'anglais. Bien, bien, bien, bien. Regardez, non. C'est quand comme d'annoncer dans le paradis, oui. Ou pas dépenser pour manger. Radou à l'endroit, à l'aise. Ou gen caille, ou gen automobile, ou gen la gen approche, ou fait son pito. Alors c'est façon à mener dans le monde. Parce que gen moun connaît très bien l'an en ville. Gen moun de pourtant dire ou dit bonjour seulement. Ou pas bal l'an la gade non. Il va sentir à l'aise. Et quel monde devrait nous faire ça ou paraître devant nous filer petit dans nos allemands. Et puis même là, on la tremblade qui prenait. Il décontrôle, il n'est pas possédé encore. Après, l'homme n'a son baguette à faire. Mais, l'entendez ou par contre, façon pour mener l'amour. Ah, bagaille ça, ou bête pilier ça. Pas rien qu'à pas pour cap mon goût. Pas rien qu'à mon goût. Bon, gardons bagaille. Gardons bagaille. Nous, comme à la qui nous veut, madame. Lève tout ça, mais quoi son jouet, monsieur Renan Véni? Sous quoi c'est jouet là? Monsieur Renan Véni? Mais, depuis que je suis entré dans la avec Fia, Fia mal à l'aise. Les soirs par exemple, monsieur entré pour la coucher, monsieur Renan Véni à tout. En bonne, à bifon, même qu'on va plein. Regardez non, au point de là, on a juste un flac boucha, on a des fonds la plein. Salut monsieur Baldo, on va faire un paquet de réflexion pour le bien jouer quand même, et puis monsieur a pris le passé. C'est ça qu'a tué Fia. Tout le temps c'est comme ça. Les jours que j'ai levé, quand il a le travail. Les midi, les langues de vie manger, il entraîne à la ronde à tout son choix, langue, pas même embrasser Fia même. Il monte les tables à son balavé même. Il mange yom yom yom yom. Les finis vrai tout l'année. Fia pas l'aise, Fia pas vivre. Mais Fia de mon voisinage, ce côté lui. Pour comprendre, lire les voisines, les voisines, soit comprendre dans la bagaille ça. Tandis ma veille, Antoine, souhait, Antoine a maltraité le caille là. Laisse-moi, Antoine a dormi, depuis le coucher de Bordeaux, pas comprendre dans la bagaille ça. Gade non, gade non. Ouè Marie, mwen, Marie m'te kon sa tout. Marie m'te kon sa tout. Gade non, m'gon ti poud. M'bali, oman. Et puis le vin tout couclo. Ma part on ti bagay, mais pas mais non, pas disé, mwen bon yé là. Parce qu'on est du voisinage, c'est bien qui est là. Bah, ça, comment, mettez mon Jean. Il dit, ok, vas-y. Il dit, bah, un petit poudre, un petit papier. Premier jour, monsieur dans le travail, madame a mis ton petit dose, monsieur. Oh, l'homme s'est rentré, monsieur, par exemple. Enfin, il y a un homme qui a mangé. Pendant que j'ai mangé, il s'est décontrôlé. J'ai dit, chéri, pendant le niveau des monsieur, et puis le beau fille a la tête rouge. Ah, il y a content. Là, c'est le premier prise là, donc, on va arrêter. Deuxième, il y a augmenté dans ce petit bout là, monsieur. Oh, même les hommes qui ont embrassé madame, depuis non, oh, maintenant, c'est le madame, à partir d'aujourd'hui, c'est pour chuter à ce table pour moi, ensemble avec Mario. Oh, troisième, il y a augmenté dans ce là, monsieur. Oh, sans comme je dis, chérie, je vais demander congé dans le travail, moi. Pour me capable de comprendre, et tout ça, je vais faire dans le travail, moi. Je vais demander congé. Et puis, monsieur, il y a la livre de jeune blanc. Il dit blanc, oye chico, what you be tonight, quel congé go. Blanc même pas comprendre, c'est blanc, ke. Oye chico, what you be tonight, quel congé go. Alors t'es con l'autre ici, là comme qui finit bon, bon. Il dit blanc, ça va dire, ah bon, congé, ok, good. Puis même là, j'ai viré, j'ai la rallye. D'arriver, madame se dit, oh, chérie, avant que t'as tourné. Il y a chérie, nous autres demandons congé, blanc, bon congé, pour la malaise d'être dans la oh, pendant j'ai qu'à bonne promesse, le métier s'est couché. Il m'a compresse, j'y vais au sol avec l'aide évaporée dans la tête touchée. J'ai vu le soir dans la caille. Mais, monsieur des grands amis, à chaque fois qu'on a vu de manger, il toujours mené les amis dans la caille là. Mes amis ont tout participé dans le bout de la tour. C'est ton dimanche, monsieur couche avec pas dans des bails à yo. Alors t'es gros rideau à l'aide, on l'a mis dans le bidon. Mon droit, il copie red dans la porte là, le mari porte là. Alors c'est le frère, il y a des quantifies, tu viens acheter dans la porte là. Voisine même qui veut marquer le pas, ouais. Voisine même depuis le film, bal, petit bout là. Pour voisine capable de résister à sa passée. Voisine pas avec ton toit là. Voisine. Et puis ça, il même regardé dans le voisin. Il y a des tifs, il a dit, regardez, non. Alors, il dit, voilà. Alors, c'est de voir la pétro propre. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe, il aime tout ça. C'est pas du cas à faire. C'est pas du cas à faire. Oh, voilà, tu vas vous arriver. Voilà, tu vas vous mettre à plein pour être tout seul. Là, il y a une belle langue dans le travail. Belle langue dans le travail. Donc, où est-ce? Faut pas presser plein. Bon, bah là, pour le vinyle, pour le vinyle, faut attendre. Avec l'anglais, son paquet d'affaires.